Voilà, voilà, SMS pour toi. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà, voilà, SMS pour toi. Qu'est-ce qu'il y a? On peut plus travailler? On y va! Ivor Mix DJ. Qu'est-ce que c'est? Herman Premier. Oh, mon cher Marie de Milan. Voilà la deuxième partie. Get the bass. Tu m'as dit, tu as porté tricot rouge, non? C'est un bœuf qui a été poussé ici, tu as voir. Appelez-moi désormais Serge Benoît, l'arrangeur, trois fois pointinini. Elle est très mollo. Elle est moi. Elle est la vraie vraie tout. Dédicace spéciale à tous les petits danseurs de la rue. Danser les maçons, hein? Un job, un ménage en guise de femme, c'est ma qualité de vie. La qualité de vie est supérieure. Nemako! chic, c'est le choc, Calouillon. Maman, c'est chic, c'est choc, c'est chic. Emmanuel Adebayor, c'est chic. Yo, banana, frite, bako, banyo, sauce. Sharufa, Jesus Brother, toute la famille à l'improvise. DJ Athanase, Paris. Position des mamies fêtées. On prend la cuillère. On prend le gobelet. Soulevez l'assiette. Sans quebe, sans quebe. Sans quebe, sans quebe. Oh, papa. Oh, Akafrak Emmanuel. Oh, Jean Colo. J'ai dit. Oh, la Sissi, salut. Tout le monde. Révèle bacan à bord de Venabo, révélation toujours du monde du Guillet Witte Nabo, Romain le Frédéric Rio. Nanana, Donado. Théodore, Gema, Opian, Titanic, petit héros. Papa, y'en a encore un lien. Lancez pas Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Je reviens. Voilà. Attaquez. Hey, président, qui peut faire ça? Je me pose et tu subis. DJ Samouraï, encore une fois de plus. Ça, c'est pour moi. On y va. Répondez après moi. Hey. On y va. On répond tous ensemble. On mange là dans la salle. Est-ce que ça va? Hey, parti. Prince Alexa. Harrison, papa, héros national. Hey, hey, hey, to bongo gori, to be like a bongo gori, to jam batrice. Pas le reste. Qu'est-ce qu'il y a? On peut plus travailler. Emma le premier. Tu guitares de Genève à soin de visage. C'est pas qu'on finit là. Ratatatata. Ratatatata. Guitare. Emma le premier. Stop! Ce n'est pas ce que je t'ai dit de jouer. Joue-moi ça. Shibiriba pepere pededepe. Shibiriba pepere pededepe. Shibiriba pepere pededepe. Shibiriba pepere pededepe. Carmel. Samagüeto, Samagüeto, Española. Samagüeto, Samagüeto, Miguel va a ser otro que va a ser la cambora. DJ Benji. La gratis connaît Samagüeto. DJ Charmeur. Rachidi Manager. Herman Prévu. Le violon. Kessia. Oh, Geliba. Maman Philomène, oui. Dancing. Comme on connaît. Oh, ça me plaît de qui. Et ça mange. DJ Stéphane, c'est mon amal au parcœur. Pour moi, c'est chat, c'est chat, c'est chat. DJ Maxwell. I'm a kisa wena mambara bada do da do. Chico de Tunis, révèle bacana bado vena bado révélation toujours du monde du gile wite na bado romel le frère Rio. Na na na do da do. Emmanuel Adebayo. Mandel, c'est toi la marraine. Malaga,

Que te quede hasta cima, buena.